Papa, ça fait quoi comme bruit le vent? Ça fait oui. Et une éolienne? Une éolienne? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu lui racontes? Une éolienne, ça fait oui, oui. Planète Oui, fournisseur d'électricité et de gaz 100% renouvelable, 100% français. Dites oui à une énergie positive sur planète-oui.fr. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. À la question « Si j'étais un animal » ou à celle « En quel animal aimerais-tu être réincarné ?», je pense pouvoir répondre sans trop prendre de risques que peu d'entre nous choisiraient l'âne. Balourd, têtu, brut, stupide, mais aussi paisible, humble et sain, l'âne est le synonyme de la bête. Bête et simple, douce, certes, et pas méchant, mais simplement bête. Mais c'est vite oublié que l'âne possède non seulement le pouvoir de se métamorphoser, mais qu'il a été, bien avant Baudelaire, le premier à changer, mieux que la boue, le crottin, pour en faire de l'or. La magnificence, le goût et l'abondance régnaient dans son palais. Les bâtiments étaient magnifiques, et les écuries vastes et remplies des plus beaux chevaux du monde. Mais ce qui surprenait tout le monde en entrant, c'est qu'au lieu le plus apparent, un âne étalait ses deux grandes oreilles. Cette injustice peut vous surprendre, mais lorsque vous saurez ses vertus non pareilles, vous ne trouverez pas que l'honneur fût trop grand. Bonjour Patrick Dandré. Bonjour Géraldine Mossin-Savoie. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne, vous êtes spécialiste de Molière mais aussi de La Fontaine, ça tombe bien puisque nous allons surtout parler de La Fontaine durant l'heure qui vient. Vous avez écrit sur le sujet 10 leçons sur le premier recueil des fables de La Fontaine, c'est aux éditions Hermann, Poétique de La Fontaine, La Fabrique des fables, c'est le premier volume, La Fontaine ou les métamorphoses d'Orphée, c'est aux éditions Gallimard, Découverte. Alors on vient d'entendre un extrait très célèbre, un âne très célèbre, enfin une peau très célèbre, c'est peau d'âne, qui annonce à peu près ce qu'on va déjà découvrir, ce qu'on va découvrir sur l'âne, à savoir qu'il a un pouvoir de métamorphose insoupçonné. Vous savez que La Fontaine disait « Si peau d'âne m'était compté, j'y prendrais un plaisir extrême ». Ça tombe bien. Peau d'âne est assez caractéristique de l'ampleur de la tradition de l'âne. Quand on songe que c'est un conte très ancien, qui est un conte oral, qui plonge dans ses racines dans le passé le plus lointain, et que c'est en même temps un sujet de film devenu vraiment un classique, du cinéma. Et de surcroît, c'est un conte qui se situe à l'interstice entre la métamorphose et simplement le déguisement. Ce n'est que la peau de l'âne et la jeune femme, la jeune fille qui se déguise ne devient pas pour autant une ânesse. Ce n'est pas comme le roi Midas à qui Apollon a fait pousser des oreilles d'âne parce que Midas a eu le malheur de préférer le chant de Marsyas à celui d'Apollon. Ce n'est pas l'âne d'or d'Apulée qui est peut-être dans l'Antiquité le plus grand conte que nous ayons sur ce sujet. C'est un roman entier et qui met bien en valeur ce que vous disiez, c'est-à-dire le rapport entre l'exaltation de l'âne, car le héros de ce roman du premier siècle de notre ère a été transformé en âne et il a besoin pour redevenir homme de passer par des mystères, les mystères d'Éleusis, par une sorte de transfiguration mystique et un côté religieux. Puis en même temps, c'est un âne avec tous les éléments les plus quotidiens, les plus concrets d'un animal qui est répandu dans tout le bassin de la Méditerranée, qui est l'animal du quotidien, l'animal que les gens utilisent tous les jours comme bête de somme ou bête de trait. C'est vrai qu'il y a ce paradoxe de l'âne qui est à la fois effectivement un animal quotidien, presque esclavagisé. Bon, on aura le temps d'en reparler, Patrick Dandré. Effectivement, il supporte les charges du quotidien. Et puis, il y a aussi cette idée beaucoup plus morale qu'il porte un fardeau. Dans Peau d'âne, l'héroïne porte effectivement la peau d'âne. Ça marque une sorte de faute. Quand on est affublé d'un bonnet d'âne, c'est qu'on est dans l'erreur. En quoi l'âne est déjà le signe à la fois quotidien, aussi extraordinaire de métamorphose, mais aussi moral d'une faute? C'est un peu ce que l'on trouve dans les fêtes de l'âne, par exemple la punition de monter sur un âne à l'envers, des choses de ce genre. C'est un animal qui a une vocation de combinaison avec le haut et avec le bas. Regardez Don Quichotte et Sancho. Sancho est sur un âne, Don Quichotte est sur Rocinante. Il y a entre l'âne et le cheval une relation qui est la relation du puissant et de l'humble et d'une humilité qui évidemment peut vous hausser. C'est assez caractéristique que la métamorphose de l'âne en homme et de l'homme en âne aille dans les deux sens. Hein. On trouve des hommes métamorphosés en âne qui sont vraiment abaissés et rabaissés par ça. Et en revanche, quand vous avez des ânes qui se métamorphosent en être parlant, c'est plutôt positif. Les mémoires d'un âne, par exemple, de la comtesse de Ségur, c'est positif. L'âne de Balaam, l'ânesse de Balaam, dans la Bible, Balaam ne comprend pas, ne voit pas l'ange de Dieu. Il ne sait pas qu'il est en train de tomber dans la faute et c'est son ânesse qui ne veut pas aller vers le monde des païens, le monde du paganisme, et qui entend l'ange de Dieu. Il y a donc dans cette transfiguration ou bien un effet de dérision, de ridicule, ou bien de grandissement. Pourquoi avez-vous choisi, Patrick Dandré, l'âne? Parce qu'on vous a demandé de choisir un animal en particulier. Alors, on va notamment parler des animaux chez La Fontaine. Mais d'abord, quand même, cette question, pourquoi vous avez choisi l'âne? Alors, je vous dirais de façon plaisante que venir faire l'âne à France Culture m'intéresse et m'a amusé. Oui, mais enfin, c'est une bonne réponse déjà. Plus sérieusement, parce que l'âne est l'incarnation de la double dimension que l'on va trouver dans les animaux de fable. Il peut être tout à fait en haut ou tout à fait en bas. C'est la magnitudo parvi de l'évangile, c'est-à-dire la grandeur de l'humble. L'âne est un animal évangélique positif et en même temps, chez les Égyptiens, c'était un animal assimilé au dieu Seth, négatif. Donc il est ou bien tout à fait parfait ou bien tout à fait minable. Et puis d'un autre côté, il est ou tout à fait au bas de la société, ou bien parce qu'il est en bas, depuis l'évangile, les béatitudes, il est tout à fait en haut. Donc je dirais qu'il occupe sur l'horizontale et sur la verticale des situations qui couvrent l'ensemble de l'univers des fables. Bon, reprenons. Le voici justement qui revient à grands pas. Paraît Bottom avec une tête d'âne. Ce n'était que Zéphyr. Ne nous alarmons pas. Oh, terrible. Oh, monstrueux. Nous sommes ensorcelés. Une prière, camarade, vite, une prière et sauve qui peut. Au secours. Au secours. Et moi, je vous donnerai la chasse. Je vous ferai galoper à travers les alliés, les marécages, les buissons et les ronces. Je serai le cheval, le chien, le cochon, l'ours et la flamme. Pauvres idiots, là. Ils veulent me faire peur. Oh, Bottom, comme te voilà changé. Oh, qu'est-ce que je vois? Ce que tu vois, ben, je vais te le dire. Une tête d'âne, la tienne. Adieu, Bottom, adieu, et Dieu te protège. Faudrait tout de même pas me prendre pour un âne. Ah, messieurs. Savons ce que c'est qu'une farce. Vous aurez beau faire, je ne bougerai pas d'ici. Tenez, je me promène de long en large et je chante comme un homme qui n'a pas peur. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. On vient d'entendre un extrait du Songe d'une nuit d'été, la pièce de William Shakespeare adaptée pour France Culture en 1974, diffusée le 29 décembre 1974. Alors là aussi, on a l'exemple quand même de cette permanence de l'âne comme figure non seulement de l'hybridité entre l'homme et l'animal, mais aussi de l'ambivalence de l'âne, exact, qui incarne des vertus à la fois positives et négatives. Exactement. Et c'est une des raisons profonde pour choisir l'âne comme animal représentatif dans les fables de La Fontaine, c'est qu'il a une vocation avant La Fontaine à l'hybridité. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres animaux que La Fontaine va mettre en scène et auxquels il va donner la parole. Et de surcroît, c'est un animal caractéristique du conte. Le songe de nuit d'été, c'est évidemment la réalité qui devient fabuleuse, qui devient le conte. Et ce passage, cette transition, elle est effectuée notamment par l'emblème que constitue l'âne. Donc c'est un animal qui porte une forte emblématique assez contradictoire. C'est un animal qui apporte par son hybridité une capacité à être doué de la parole qui nous surprend moins que pour un autre animal. Bref, il a vocation à devenir animal de fable. D'ailleurs, regardez dans le passage que nous avons entendu, il est fabuleux. Fabuleux, la fable, elle est déjà là et on voit bien les deux dimensions qui sont celles de la fable. Celle de la moralité, c'est-à-dire la réflexion, est-il bon, est-il méchant ? Et puis de l'autre côté, celle du fantastique, celle de la rêverie, ce que La Fontaine disait des fables, c'est proprement un charme. Il rend l'âme attentive, ou plutôt la tient captive, nous attachant à des récits qui mènent à son gré les cœurs et les esprits. Ce récit qui mène à son gré les cœurs et les esprits, le songe d'une nuit, c'est tout à fait ça. Hein. C'est vraiment un conte qui nous transporte sur les ailes du songe. Et il y a dans les fables de La Fontaine aussi cette puissance de transfiguration. Mais l'âne, finalement, n'est que puissance de transfiguration. C'est-à-dire que, à force d'être à la fois une figure, un animal hybride, un animal ambivalent, capable d'endosser à la fois des charges du quotidien, mais aussi des charges morales, universelles, destinées aussi aux enfants, en même temps, de nous amener dans un univers onirique, finalement, est-ce que ça n'est pas aussi une figure un petit peu contradictoire? Est-ce qu'on peut pas, en fait, projeter tout et n'importe quoi sur l'âne, dire qu'il est bête, dire que finalement il est plein de bon sens, dire qu'il est pauvre mais finalement qu'il est grand? Est-ce que c'est pas un petit peu la limite de soit ce qui le rend très intéressant, soit sa limite aussi, c'est-à-dire que ce qui empêche aussi une lecture univoque? Non, parce que ce n'est pas n'importe quoi, c'est les deux bouts de la chaîne. Il est tout à fait en bas, il est partout. Dans la réalité quotidienne, il a cet avantage d'être un animal de la ville et de la campagne. C'est-à-dire qu'on en a sous les yeux. Il est un animal de travail, une force de travail et un animal de transport. Il est à la fois bourgeois et paysan. Les médecins avaient la tradition de monter sur une mule. Les paysans font travailler des ânes. Il est un peu le factotum de la cité et de la campagne. Donc, cette présence fait de lui un animal immédiatement reconnaissable. Et en même temps, il a une vocation à être un animal fabuleux. Un animal qui fait rêver. Il est donc aux deux bouts de la chaîne, dans la quotidienneté la plus triviale et dans la rêverie la plus étrange. Il a une force de paradoxe. Et plutôt que la grande confusion que vous pointiez, je dirais la capacité énergétique du paradoxe. Vous voyez, il nous mène aux deux bouts de la chaîne en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'il est si fréquent dans les fables de La Fontaine. Alors justement, c'est peut-être le moment en fait de faire un jeu, on va dire, Patrick Dandré, oui, à savoir, faut compter, c'est ça, faut juste savoir compter. Effectivement, il s'agit de savoir dans combien de fables apparaît l'âne et en fait comment se constitue ce bestiaire fabuleux de La Fontaine. En effet. Alors vous savez que quand on fait le décompte sur les 450 personnages qui apparaissent dans les fables, bon, certains sont furtifs. Hein, quand comme par 450... exemple, quel personnage est par exemple très furtif? Un animal qui convoit très peu chez La Fontaine. Vous pouvez citer par exemple un sergent, vous pouvez citer un paysan qui passe. Vous voyez, ça peut être par exemple un charton qui mène à la foire le cochon, la chèvre et le mouton. Bah, il apparaît une fois et puis on le voit très peu. Mais est-ce qu'il y a un animal par exemple qui est méprisé? Je vous parle de personnages et vous savez que sur les personnages de La Fontaine, il y a 450 personnages, mais il n'y a que 125 animaux. C'est-à-dire que ce qu'on voit le plus, ce sont les hommes, les dieux et les végétaux. Vous comprenez, il y a beaucoup de gens qui sont concurrentiels. Alors les animaux, bien sûr, quand ils apparaissent, ils sont vraiment centraux. Donc quand je dis 125 sur 450, ça a l'air très peu, mais en réalité, dans leur présence effective, ils crèvent l'écran. Ouais. Mais il faut savoir quand même que le monde de La Fontaine est plus vaste que ces 125 animaux. Et de surcroît, quand vous regardez ces animaux, sur les 125, il y en a 50 qui n'apparaissent qu'une fois. Et je prends l'exemple le plus connu de nos auditeurs, la cigale et la fourmi. Ben, la cigale, c'est la seule. Et pourtant, elle est très célèbre. Voilà, les fourmis, il y en aura d'autres. Pas énormément, mais quand même d'autres. Et puis, progressivement, on voit monter le palmarès, en quelque sorte, et on arrive à 5 espèces qui sont dans la vingtaine d'occurrences, qui apparaissent ou qui sont citées au moins 20 fois. Alors, on peut... Dévoilez-nous le palmarès. J'espère que nos auditeurs sont en train de le faire. Je ne sais pas ce qu'ils gagnent. Peut-être un abonnement d'un an au Chemin de la philosophie. Donc, vous avez le lion qu'on attendait quand même. Parce qu'on à la première souvent... place. Oui, non, pas du tout. Il n'a que 21 occurrences à peu près. Vous avez l'âne qui en a 22, le chien 24, le renard 25. Et, alors, on peut... je vous pose la question. Quel est d'après vous celui qui manque et qui va apparaître peut-être le plus, quel est celui qui fait défaut? J'espère que celui tous nos auditeurs... Celui qui remporte le... Oui, le alors moi je triche parce qu'en fait je l'ai sous les yeux, mais, oui, mais bien, c'est, quelque chose... c'est vrai qu'on peut s'y attendre. C'est le loup, effectivement. Voilà, le loup. Vous avez donné votre langue au chat, donc c'est le loup. Le loup parce que sa charge émotionnelle est très forte dans la réalité, il fait peur. Et sa tradition symbolique et emblématique est très grande parce qu'il a une vocation à être l'ogre du conte. Et donc, par ces deux raisons, je pense qu'il est vraiment au centre. Bon, les décomptes, vous savez, ils sont un petit peu sujets à caution. C'est-à-dire qu'il faut raffiner dans ces décomptes, oui. Parce qu'effectivement, il faut distinguer les voilà. endroits, enfin, les textes où les animaux sont juste mentionnés. C'est-à-dire que si l'âne est mentionné 21 fois et qu'il a juste une fable pour lui où il est un personnage parlant, c'est déjà différent comme présence. C'est différent, c'est-à-dire qu'il y en a où c'est une pure mention verbale. Je vous donne un exemple, dans La mouche et la fourmi. Il est dit que la mouche se pose sur la tête des rois et sur celle des ânes. Vous allez vous planter, je n'en disconviens pas. C'est une occurrence de l'âne, mais on ne peut pas dire qu'elle est extrêmement parlante. Et de même, dans Le cheval sans vouloir venger du cerf, le mulet se vantant de sa généalogie, il dit qu'on nous dit simplement que ce mulet se glorifie d'avoir pour mère une jument, mais que le jour où vieilli, on le met au moulin, il se souvient qu'il a eu un père qui était l'âne. C'est tout, vous voyez. Alors là, les quatre fables qui mentionnent ainsi, c'est pas grand-chose. Ensuite, vous avez une présence de l'âne qui peut être importante, mais sans l'hybridation humaine. C'est-à-dire l'âne en tant qu'âne, autour de lui, des animaux qui, eux, sont humanisés. Par exemple, l'âne chargé d'éponge et l'âne chargé de sel, il y a un type au-dessus qui monte, et puis les deux ânes, ils n'ont rien à faire d'autre que de porter des éponges ou du sel et d'entrer dans la rivière. Ou encore les voleurs et l'âne, deux voleurs se battent pour un âne, un troisième larron saisit l'âne et La Fontaine conclut, l'âne c'est quelquefois une pauvre province. L'âne est un simple animal, je dirais qu'il a un rôle d'objet, il est objectivé, de même pour le meunier son fils et l'âne, hein. Le meunier et son fils se demandent s'il faut monter sur l'âne, le porter, enfin, on voit très bien qu'il y a là un statut assez secondaire. Après vous avez le statut hybride d'acteur de fable conscient et parlant, mais en société avec d'autres, sans occuper la position centrale. Donc il fait partie d'un groupe qui a un rôle. Oui, par exemple le lion qui s'en va à la guerre, il donne un rôle à tous les animaux, et l'âne, il le charge d'effrayer l'ennemi par son cri, vous savez le braiement de l'âne, c'est vraiment la grande affaire. Hein. Il y a ses oreilles et il y a son voilà, cri. Exactement. Les oreilles qui apparaissent lorsque l'âne se vêt de la peau du lion et que sous la peau apparaît l'oreille d'âne et la peur nous quitte. Alors là, nous sommes dans une fable qui est vraiment une fable où l'âne joue un rôle central de sens et d'effet, où il est pourvu de conscience et de parole, ou de parole, dans une partie ou même dans le tout d'une fable. Et là, nous en avons 11, vous voyez. Et donc, il y a, en gros, un bloc d'une dizaine de fables où l'âne joue un rôle principal, le lion et l'âne chassant. Bon, ce sont deux animaux à égalité, sauf que l'âne n'aura rien du produit de la chasse parce que le lion est plus puissant. Le lion devenu vieux, vous connaissez le coup de pied de l'âne. Hein. L'âne et le petit chien, c'est un mauvais rôle pour l'âne qui s'imagine que pour obtenir les grâces de son maître, il suffit de se jeter dans ses bras et de lui faire des caresses avec ses sabots. Ça finit mal. L'âne qui porte des reliques et qui croit que c'est lui que l'on prie, alors qu'en réalité ce sont les reliques qui sont sur lui. L'âne vêtu de la peau de lion que vous évoquez avec l'oreille qui transparaît. Oui. Le vieillard et l'âne avec cette idée que quel que soit le maître que l'on a, peu importe, on sera toujours malheureux. Enfin, quelques autres comme cela. Les plus célèbres étant sans doute le lion, le singe et les deux ânes et les animaux malades de la peste qui a pris une actualité ces temps-ci, les animaux malades de la peste avec la pandémie. Forcément. Alors je vous propose qu'on écoute justement les animaux oui, c'est un plaisir, malades ça. De la peste. Un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie. Ni loup ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour partant, plus de joie. Le lion tint conseil et dit « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie aux traits du céleste courroux, peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents ont fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, je dévorai fort ce mouton. Que m'avait-il fait ? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc, s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi. Car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, mangez mouton, canaille, cette espèce est un péché. Non, non, vous leur fîtes seigneur en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit « J'ai souvenance qu'en un pré de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce pré la largeur de ma langue, je n'en avais nul droit puisqu'il faut parler net. » À ces mots, on cria haut sur le baudet. Le loup, quelque peu clair, prouva par sa rangue qu'il fallait dévorer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée incapendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Alors voilà, on vient d'entendre Les animaux malades de la peste, interprété par Roger Carle, c'était en 1955. Alors on a entendu effectivement la manière dont résonne cette fable, Patrick Dandré, avec notre situation actuelle, remplacer peste par Covid. Et effectivement, on entend aussi ce rôle que joue l'âne qui... confesse ses péchés, à savoir manger l'herbe du pré, et qui se voit désigné comme le coupable parfait. Et on voit, on retrouve peut-être une des caractéristiques qui est les plus courantes sur l'âne, à savoir que c'est toujours celui qui endosse la faute et qui joue le rôle du bête, de la bête, de celui qui est bête. Alors il y a du positif et du négatif. En l'histoire, il n'est pas bête, il est humble et reconnaissant ses fautes, il a le malheur d'être celui sur lequel on peut tomber à bras raccourcis parce que en dessous de lui, dans la hiérarchie, il n'y a personne. La fable est contée de ce point de vue avec une extrême habileté puisqu'il apparaît à la fin, comme par hasard, et donc c'est sur lui qu'on va se venger et essayer de trouver de quoi sauver l'humanité. Il est assez caractéristique, et je reprends un peu l'idée de ce que je disais tout à l'heure, que les animaux qui sont ici, ça nous paraît compter comme ça, facilement, aisément. En réalité, nous sommes en tête du second recueil des fables en 1578, c'est-à-dire 10 ans après le premier recueil. Le premier recueil commençait par la cigale et la fourmi. Nous sommes ici devant la première fable du second. Vous notez l'immense différence. La cigale et la fourmi, deux animaux au premier plan. On a l'impression d'être en noir et blanc et sans relief. Et là, tout à coup, les couleurs, quand je disais qu'il y avait des fables où l'âne apparaissait simplement mentionné, il y en a d'autres où il jouait un rôle. Regardez ici, les tourterelles se fuyaient. C'est tout. mais on ne va pas les revoir. Il y a un décor, il y a un récit. C'est un décor. D'un autre côté, on nous parle du tigre ni de l'ours, ni des autres puissances. Oui, mais on ne les entend pas parler. Mais on se les figure. Ils sont là pour faire relief. C'est-à-dire que la fable qui était en aplat devient en relief. On a inventé la perspective et on a l'impression que la comédie humaine prend, comme chez Balzac, une puissance avec des plans différents, une ampleur. Il y a les personnages centraux, il y a les personnages secondaires, il y a les personnages qui font des corps. Et ça, c'est véritablement l'univers des fables qu'a constitué La Fontaine et qui ici représente l'univers de la cour. Avec, d'ailleurs, c'est assez frappant, une présence de l'âne qui est un peu exceptionnelle. Car lorsqu'on fait le décompte, on s'aperçoit que 16 des mentions de l'âne sont dans le premier recueil, qui était un recueil où La Fontaine était plus proche de la fable ésopique, plus proche de la familiarité, de la simplicité, de la joyeuseté un peu quotidienne des premières fables. Ce qui convient bien à l'âne, d'ailleurs. Voilà. Alors que dans la seconde, où il y a des fables exotiques qui viennent du Moyen-Orient, où il y a des fables qui sont beaucoup plus complexes dans leur intention morale, qui font appel à des espèces un peu plus rares, parfois des espèces que lui-même introduit, comme le héron, l'âne voit tomber sa présence et sa participation. Et ici, on a l'impression qu'il apparaît un peu comme un vestige du premier recueil dans le second où la cour va se déployer, ici dans son ampleur de fauves et d'animaux de premier plan. Ou alors, autre hypothèse, Patrick Dandré, si l'âne apparaît ici, c'est parce que vous avez parlé de cette invention de la perspective et que précisément l'âne a une capacité de métamorphose, mais aussi, comme vous l'avez dit, de condenser à la fois le haut et le bas, le pauvre et le grandissant. Alors c'est évident, il a cette double couleur qui est propre à son emblématique, l'incarnation des humbles, des derniers de cordée, des parias, des victimes, des soumis, et puis de l'autre, l'incarnation de la sottise, de la bêtise et de la lourdeur. C'est l'ambiguïté, il faut le dire, de l'appréciation du peuple dans la société du temps de La Fontaine, oui, d'Ancien Régime, et par rapport au public auquel il s'adresse, car il ne s'adresse pas à ceux qui tous les jours utilisent l'âne pour porter les produits de leur ferme ou pour labourer le champ. Il s'adresse à ceux qui voient les gens monter sur des ânes, mais qui, eux, montent plutôt sur des chevaux ou entrent dans des carrosses. Donc l'âne, c'est un peu à la fois le très présent, mais l'un peu éloigné. C'est sa différence avec le chien, vous voyez, avec lequel il a une proximité. Et avec, chien, qui apparaît dans 24 fables. Oui, donc ils ont vraiment, oui, en termes de présence, sont très proches. Et le chien, c'est le chien de chasse. Et tous les aristocrates, les hommes chassent. Le chien, c'est l'animal familier, le chien de Manchon des dames. Et dans les salons, donc, il y a des chiens. On fait même des poèmes sur des petits chiens. Et le chien occupe lui aussi les deux domaines. Il est le plus proche compagnon de l'homme, mais en même temps, quand on n'aime pas un homme, on peut le traiter de chien. Vous voyez qu'il a lui aussi cette hybridité qu'il partage avec l'âne. La différence, c'est que le chien est beaucoup plus mobile et qu'en même temps, il peut faire peur. Il a un côté molosse et matin. Et en cela, il est un peu le double inférieur du loup, le double humanisé du loup. Voilà comment ça fait charade les unes avec les autres. Et ici, ce défilé d'animaux qui vont, dans les animaux malades de la peste, se dévouer ou prétendre le faire, mais en s'arrangeant pour s'exenter, c'est aussi une manière de faire charade, de lier les animaux les uns avec les autres et de produire cet effet de continuité, de discontinuité, de tension. Parce que l'âne intervient au milieu des autres et après les autres, mais comme complètement différent, puisque sa faute à lui est une peccadille et que cette peccadille va faire de lui le coupable majeur. Je dirais que son hybridité emblématique est ici portée à son maximum de tension par ce que La Fontaine fait de cette fable, qui d'ailleurs, on peut en parler quand même, Géraldine, je pense, de cette fable, est un chef-d'œuvre absolu, oui, par l'infinie variété de tons, de couleurs, de tonalités. Et puis on a envie de la relire, de la réécouter plusieurs fois, on n'a pas le temps de le faire hélas, oui, mais effectivement, on a envie de décortiquer chaque vers pour voir et vraiment pour se les figurer. Parce que comme vous l'avez dit, il y a la construction d'un décor, d'un arrière-plan, d'une perspective, mais aussi d'un récit. C'est-à-dire qu'il se produit vraiment un ensemble d'événements qui nous permet de suivre une trame narrative. C'est pas seulement ça, c'est qu'il s'agit d'une miniature de la littérature. La littérature à cette époque-là, c'est une question de style, c'est une question de mode d'écriture. Et on dirait que cette fable parcourt les territoires contrastés mais assortis de l'épopée, mal qui répand la terreur du sermon, mais aussi de la tragédie. et puis de l'élégie, les tourterelles se fuyaient, de la comédie et de la satire, parce que c'est assez mordant, de la harangue, de l'éloge courtisan, et puis de la mauvaise foi royale. En sollicitant l'ironie, c'est même plus fort que l'ironie, il faudrait dire quasiment le sarcasme, et aussi la pitié, l'apitoiement pour l'âne, l'indignation que nous devons éprouver, la moquerie, la parodie, le pastiche, le style direct et le style indirect, les vers longs, les vers courts. Vous avez entendu, il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. C'est un des vers les plus courts de La Fontaine, hein, 3 syllabes. Il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Il le glisse, le berger, mais enfin, quand même, ça prouve que le lion mange des hommes. Et puis, je dirais des ellipses, mais aussi des expansions. C'est-à-dire des choses que l'on développe, un mal qui répand la terre, mal que le ciel en s'affirme. Il y a beaucoup d'éloquence là-dedans. Bref, c'est un kaléidoscope, cette fable, de couleurs et de tons, unis dans le mouvement d'une démonstration, et d'une démonstration qui nous tient et ne s'arrête jamais. Vous savez ce que disait La Fontaine, hein, le conte, il faut jamais s'arrêter parce que vous perdez votre assistance, vous perdez votre auditoire. C'est aimanté par le verdict moral. On attend évidemment la fin. On attend le verdict moral, on attend aussi parce que vous l'avez dit, il y a quelque chose quand on entend, si on retrouve l'âne, on entend en fait la dimension politique de cette fable et on n'a pas qu'une moralité qui se délivre aussi. Il y a aussi une dimension politique et on peut se demander, vous avez parlé de démonstration Patrick Dandré, que cherche à démontrer en fait cette fable? Il y a la morale et puis il y a une sorte de leçon, peut-être plus qu'une morale. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que vous entendez la parole, vous savez bien ce qui va arriver, c'est que la justice est dure, parce que jugement de cour, ça ne veut pas dire la cour du roi, hein, ça veut dire la cour de justice. Hein. Mm-hmm. La justice est dure avec les humbles et elle est faible elle est avec douce les forts. Avec les forts, oui. J'entendais récemment, j'étais à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale évoquait cela et dire. Il se peut que de nos jours, ce soit l'inverse. C'est assez significatif aussi de l'évolution qu'a connue notre société. Le rapport aux figures fortes et faibles. Ben oui, peut-être, hein, par rapport au jugement. L'âne aurait peut-être vécu une injustice qui irait dans son sens, à savoir qu'il y aurait des circonstances atténuantes, alors qu'on trouverait que le lion, ben, il faudrait peut-être le passer devant la Cour de justice de la République, vous voyez, quelque chose de ce genre. Mais peu importe, ça c'est une actualisation. Ce qui compte, c'est qu'il y a donc ce mouvement que l'on attend et qui, tout en allant vers cette morale simple, hein, qui est une morale sociale plutôt que politique, enfin, on peut dire politique, mais vous savez, la politique n'existe guère au XVIIe siècle. Hein, c'est donc plutôt une morale sociale. C'est un mélange de social et disons, de religieux, de charité, de morale. Mais il y a tout au long de la fable une présentation de ce qu'est le discours des puissants. Et ça, c'est une leçon seconde qui est un peu plus cachée. C'est ce que l'on appellerait la leçon par rapport à la morale. C'est que sort de ce kaléidoscope de couleurs un sens que l'on entend dans la musique des paroles, dans la façon dont les gens se conduisent, dans le furtif, ce berger qu'on glisse, les moutons, que m'avait-il fait, cette façon de se dédouaner en paraissant s'accuser, et qui est la capacité qu'a le discours humain de nous faire avaler toutes les couleuvres possibles, de nous faire prendre les vessies pour des lanternes, enfin, la puissance considérable qui est celle de la parole. Alors que l'âne dit « Je t'en dis de ce près la largeur de ma langue, je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. » Finalement, c'est celui qui a le discours le plus pur, le plus clair, exactement, le plus simple. Ça, c'est très juste ce que vous relevez, le parler net, c'est effectivement cela. Les autres ont parlé obscur. Et la fable aime bien mettre en évidence cette capacité qu'a le discours de se rendre obscur quand il s'agit de masquer les défauts que nous avons. Je dirais que la fable, elle nous instruit en nous invitant à pratiquer ce qu'elle fait, à être ce que nous voyons, à ne pas être ce que nous voyons être les animaux ou les humains qui commettent les fautes en question. Elle nous invite à revenir sur nous-mêmes pour savoir ce que le discours est capable de faire. Vous savez que Aesop avait dit que la langue peut être la meilleure ou la pire des choses. On s'aperçoit qu'ici, la langue peut être la pire des choses, sauf au moment où tout à coup, la vérité crève l'écran. Et je vous disais, l'âne crève l'écran parfois de cette façon-là. On va écouter tout de suite une autre fable, car le temps passe, et là aussi, le discours crève l'écran dans cette fable, c'est le lion, le singe et les deux ânes. Le lion pour bien gouverner, voulant apprendre la morale, se fit un beau jour amener le singe maître essart chez la gent animale. La première leçon que donna le régent fut celle-ci. Grand roi, pour régner sagement, il faut que tout prince préfère le zèle de l'État à certains mouvements qu'on appelle communément amour-propre. Car c'est le père, c'est l'auteur de tous les défauts que l'on remarque aux animaux. Vouloir que de tout point ce sentiment vous quitte, ce n'est pas chose si petite qu'on en vienne à bout en un jour. C'est beaucoup de pouvoir modérer cet amour. Par là, votre personne auguste n'admettra jamais rien en soi de ridicule ni d'injuste. Donne-moi, repartit le roi, des exemples de l'un et l'autre. Toute espèce, dit le docteur, et je commence par la nôtre, toute profession s'estime dans son cœur, traite les autres d'ignorantes, les qualifie impertinentes et semblables discours qui ne nous coûtent rien. L'amour-propre, au rebours, fait qu'au degré suprême, on porte ses pareils, car c'est un bon moyen de s'élever aussi soi-même. De tout ce que dessus, j'argumente très bien qu'ici-bas, main talent n'est que pure grimace cabale et certain art de se faire valoir, mieux su des ignorants que des gens de savoir. L'autre jour, suivant à la trace deux ânes qui, prenant tour à tour l'encensoir, se louaient tour à tour comme c'est la manière, jouit que l'un des deux disait à son confrère « Seigneur, trouvez-vous pas bien injuste et bien sot l'homme, cet animal si parfait ? Il profane notre auguste nom, traitant d'âne quiconque est ignorant, d'esprit lourd, idiot. Il abuse encore d'un mot et traite notre rire et nos discours de brère. Les humains sont plaisants de prétendre exceller par-dessus nous. Non, non, c'est à vous de parler, à leurs orateurs de se taire. Voilà les vrais braillards. Mais laissons là ces gens, vous m'entendez, je vous entends, il suffit. Et quant aux merveilles dont votre divin chant vient frapper les oreilles, Philomèle est au prix novice dans cet art, vous surpassez Lambert. » L'autre baudet repart. « Seigneur, j'admire en vous des qualités pareilles. » Ces ânes, non contents de s'être ainsi grattés, s'en allèrent dans les cités, l'un l'autre se prenait. Chacun d'eux croyait faire, en prisant ses pareils, une fort bonne affaire, prétendant que l'honneur en reviendrait sur lui. J'en connais beaucoup aujourd'hui, non parmi les baudets, mais parmi les puissances que le ciel voulut mettre en de plus hauts degrés, qui changeraient entre eux les simples excellences, s'ils osaient, en des majestés. Oui, nous coupons ici parce que la fable se continue, elle est un peu longue, mais on comprend très bien quand même sa structure d'emboîtement. Hein. C'est une fable où un singe joue le rôle de la fontaine, en somme, où un lion joue notre rôle, à nous le lecteur, pour entendre une deuxième fable, les deux ânes qui sont ridicules. Cette fois, c'est l'âne négatif, hein, c'est tout le contraire des animaux malades, et qui, finalement, nous disent, enfin, la fable encadrée nous dit, d'où est sorti ce texte, parce que La Fontaine l'a entièrement inventé à partir d'un proverbe qui est « L'âne frotte l'âne », un poème latin, « Asinus, asinum fricat », et ces deux ânes, non contents de s'être ainsi grattés. Voilà, c'est de ça simplement, de cette cellule tout simple, qu'est sortie cette vision. Et là, vous voyez, c'est une liberté que se donne La Fontaine, une création qui imite les fables ésopiques, mais on voit très bien qu'il est capable d'en produire autant qu'il en veut. C'est une fable qui, en même temps, est pleine d'allusions. On pense un peu à Colbert et Fouquet, même si l'affaire est quand même très très éloignée, parce que l'injustice du roi Lion et le ridicule que donne l'injustice, c'est quand même un coup de patte à l'égard du monarque. Je suis pas sûr d'ailleurs que ce soit un coup de patte à l'égard de Louis XIV en particulier. La fable a pour vocation d'être un miroir des princes et de leur dire que de temps en temps, ils n'agissent pas bien. Mais il y a dans cette structure d'emboîtement le résultat à la fois de l'amplification d'une image, c'est-à-dire la puissance énergétique que contient le vocabulaire, que contient une image pour La Fontaine. Deux ânes se frottant, il en sort une fable qui fait 70 ou 80 vers. Et puis, cette leçon qui va en être tirée, on pourrait peut-être entendre maintenant la fin. On écoute la fin ? Oui, oui, parce qu'on va voir que la leçon est double. J'en dis peut-être plus qu'il ne faut et suppose que votre majesté gardera le secret. Elle avait souhaité d'apprendre quelques traits qui lui fit voir, entre autres choses, l'amour-propre donnant du ridicule aux gens. L'injuste aura son tour. Il y faut plus de temps. Ainsi parla ce singe. On ne m'a pas su dire s'il traita l'autre point, car il est délicat, et notre maître S.R., qui n'était pas un fat, regardait ce lion comme un terrible sire. Alors je le signale, Patrick Dandré, c'est une fable lue par Michel Galabru. Cette lecture, en fait, et donc la lecture, je le rappelle, de la fable Le Lion, le Singe et les deux ânes, donc qu'on retrouve dans le même recueil que Les animaux malades de la peste. Mais effectivement, vous l'avez dit, l'âne joue un rôle, la négative, dont ce récit emboîté au cœur de cette leçon donnée par le singe au lion. Il y a même deux leçons, on a bien entendu la fin, c'est-à-dire que il y a à la fois cette leçon de l'amour propre donnant du ridicule aux gens, ça c'était la première leçon, et à la fin, l'injuste aura son tour. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par la Patrick Dandré ? Alors, c'est un emboîtement quadruple. Parce que vous avez au centre les deux ânes qui se frottent. Ces deux ânes sont racontés par le singe parlant au lion pour lui donner une leçon sur le ridicule de l'amour propre. Leçon tirée de La Rochefoucauld, l'amour propre nous guide tous. Mais cette affaire est elle-même encadrée dans la parole de La Fontaine, qui nous dit le lion voulant un jour apprendre le mal, et qui à la fin reprend un petit peu la parole pour dire on ne m'a pas su dire à lui, La Fontaine. Vous voyez, il y a donc l'espèce d'encadrement, le miroir où le fabuliste lui-même intervient. Et puis il y a plus subtilement la fable qui ne sera pas dite, celle sur l'injustice, mais qui n'a pas besoin d'être dite, puisque le simple fait de ne pas la dire signifie que les rois sont injustes. Le simple fait de ne pas la dire, c'est que le singe a peur. S'il a peur, c'est qu'il a peur d'une injustice qui consisterait à faire retomber sur lui la leçon qu'on lui a demandé de donner. Voilà, c'est-à-dire qu'il pâtirait d'avoir dit la vérité. Vous savez, c'est un petit peu la scène de ce personnage de l'avare qui reçoit des coups de bâton pour avoir menti et des coups de bâton pour dire la vérité. Il s'appelle Maître Jacques. La Fontaine et Molière, c'est toujours en symbiose en quelque sorte. Il y a donc un jeu d'emboîtement extrêmement complexe qui se combine à un jeu d'interférence entre la référence humaine et la réalité animale qui est très subtile. Car vous avez remarqué que le singe et le lion sont complètement assimilés à des êtres humains sans qu'on nous le dise. Le lion veut apprendre la morale. Bon, ça veut dire que le lion est un roi, mais tout en étant un lion. Là, nous sommes dans ce que pédantesquement, je pourrais appeler une métaphore, c'est-à-dire que on ne voit plus la distinction entre les deux, ça glisse, vous voyez. Et puis on accepte de croire que le lion oui, est le roi. Mais c'est pas ça mon problème, c'est que il y a ce côté donc la métaphore, mais en revanche les singes disent l'homme traite notre cri de braillard, etc., de braire. Les ânes. Les ânes. Et là, on voit très bien que l'homme est d'un côté et les animaux de l'autre. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans la métaphore, nous sommes dans la comparaison. Et il est évident que si les animaux, si les hommes disent braire pour se moquer de ceux qui parlent, qui ont une vilaine voix, c'est parce que ils voient les animaux comme un autre règne qu'eux-mêmes. C'est-à-dire que la fable réussit à jouer sur l'hybridité et sur la comparaison. Mais ça veut dire qu'il y a un renversement là qui s'opère, c'est-à-dire que jusque-là, on acceptait par une sorte de convention hein, qui fonde la fable que les hommes étaient des animaux et inversement, il y a une forme d'hybridité qui caractérise tous les animaux. Mais là, en fait, on a une sorte de renversement où l'âne dit « non, nous nous distinguons des hommes ». Finalement, qui nous rappelle ça, qui vient briser cette croyance-là, il vient nous dire jusque-là, vous nous preniez pour des représentants des hommes, une manière d'approcher les hommes, mais finalement, nous avons une nature propre. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'en réalité, La Fontaine nous promène, pour parler de façon un peu vulgaire, et je vous redis les vers que j'ai dit tout à l'heure, c'est proprement un charme, il rend l'âme attentive, ou plutôt la tient captive, nous entraînant à écouter des récits qui mènent à son gré, le cœur et les esprits, menés à son gré. C'est-à-dire qu'il joue avec la référence et il est tellement puissant, son conte est tellement puissant, il a une telle valeur de fascination que nous ne sommes pas gênés. C'est un peu comme un tableau d'Escher, vous savez, vous avez la perspective qui est tronquée, qui est trompeuse, et vous passez de l'un à l'autre et ça ne vous gêne pas. Vous glissez, ça c'est la puissance extraordinaire de la fable, c'est-à-dire que la convention de base peut être rompue à l'intérieur du texte sans que ça gêne. Ça c'est la fascination dans laquelle le conte nous entraîne. Et avec des allusions à l'actualité qui sont extraordinaires, quand l'âne dit « vous surpassez Lambert », il faut expliquer ça quand même. Lambert était un chanteur, c'est le beau-père de Lully, c'était quelqu'un qui avait une belle voix. C'est un peu comme si on disait « vous surpassez Alania » ou « vous surpassez Pavarotti » de la part de deux ânes. Oui. Oui, c'est stupéfiant comme saut. Ça glisse parfaitement. Oui, mais finalement, vous avez dit, Patrick Dandré, que là, on a vraiment le versant négatif de l'âne. C'est-à-dire, c'est la sottise dont l'amour propre le rend ridicule. C'est d'ailleurs le propos de la leçon du singe au roi, au lion. Mais finalement, c'est grâce à ces ânes qu'on décrit comme sots qu'on arrive, que La Fontaine parvient à faire un récit enchâssé avec des perspectives à l'intérieur qu'il met à nu, en fait, les rouages aussi de sa fable, où passer d'un registre à l'autre se fait de manière douce et glissante. Oui, mais ça ne réévalue pas du tout l'emblématique de l'âne, le fait qu'on l'utilise pour faire un conte qui est réussi. Parce que vous pouvez faire, la littérature le montre tout le temps, d'excellentes œuvres avec de très méchants personnages. Par exemple, Tartuffe a un rôle qui est sublime. Enfin, c'est quand même un salaud. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un hasard peut-être que La Fontaine ou que le fabuliste ait choisi de faire jouer ce rôle-là aux ânes. C'est tout simplement parce qu'il y avait un proverbe de base, l'âne frotte l'âne, et que ça lui a paru susceptible de donner naissance à une fable, et que cette fable, il s'est amusé à l'encadrer pour la projeter dans une signification. Il aurait pu imaginer que nous n'ayons que les deux ânes, la fable des deux ânes. On se dit, l'amour propre nous rend bête. C'est ce que La Rochefoucauld dit dans les Maximes. Mais ça aurait été aussi une très bonne fable. Voilà, ça aurait été une excellente fable avec une morale un peu simple. Mais il encadre cette morale dans une autre. Et il nous dit, le singe, le lion, c'est une lecture politique. Mais il encadre cela également dans une nouvelle affaire qui est « je montre le ridicule, mais je ne montre pas l'injuste parce que j'ai peur ». C'est-à-dire jusqu'où la fable peut-elle aller ou ne peut-elle pas aller, ce qui est à la fois une lecture politique et puis aussi un clin d'œil. Parce que ce que cela nous dit, c'est qu'il suffit parfois d'une ellipse, il suffit parfois de ne pas dire pour avoir tout dit. C'est-à-dire que la parole est capable de se dépasser elle-même et de produire du sens en disant qu'elle ne dira pas. Ce qui est également un jeu d'esprit. Et il est évident que par-dessus cette lecture que l'on dira politique, il y a le clin d'œil. C'est-à-dire la capacité qu'a le fabuliste de se situer, de situer son lecteur et de nous inviter, nous, à entrer dans la fable. Donc je dirais que ce que cette fable réussit à faire, c'est à faire de nous des personnages de la fable. C'est-à-dire qu'il faudrait ajouter à la liste que j'avais donnée... Au bestiaire. Tous les lecteurs, et au bestiaire, mais surtout aux humains, car n'oublions pas, c'est pas un bestiaire seulement. Je vous dis, sur 450 personnes... Une sorte de comédie humaine, finalement. Dans cette comédie humaine, l'introduction du lecteur. Or, c'est ça que fait la fable, puisque la morale consiste, après nous avoir emmenés dans le monde du songe et dans le monde de la fiction, à nous ramener vers la vérité. La fable est un va-et-vient qui décrit le mécanisme de la littérature. Je suis emmené sur les ailes du rêve pour revenir à ma réalité, enrichie par mon rêve. C'est la dialectique du sommeil et de la veille. Et c'est pourquoi j'ai coutume d'appeler la fable un songe vigilant. Elle nous fait rêver, mais pour mieux nous éveiller. Alors il faut revenir, il nous reste 2 minutes là-dessus, on peut revenir encore sur cette fable, le lion, le singe et les deux ânes, notamment avec ce dernier vers, et notre maître S.R. qui n'était pas un phare, regardez ce lion comme un terrible sire, et il y a quelque chose dans ce mot de sire qui est extrêmement parlant, qui vient clôturer cette fable, et dont les ânes ont quand même joué un rôle finalement à la fois un moyen, c'est-à-dire de pouvoir démontrer, de pouvoir prouver, de donner une leçon, et en même temps sont une fin en soi, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, ils constituent une fable en tant que telle. Mais là, néanmoins, on a cette leçon qui est tirée à la fin avec ce lion qu'on croit être quand même le maître des animaux et qui finalement, là, n'est qu'un terrible sire. Alors, il y a une figure sur ce mot qui est une figure qui règne sur toutes les fables, qu'on appelle la silepse, qui consiste, excusez-moi, c'est un peu pédant. Non, allez-y, la allez-y. Qui consiste à employer le même mot dans 2 sens différents. Et ici, c'est un terrible sire parce que c'est un roi, sire, mais en même temps, sire, c'est la formule triste sire. C'est un terrible sire, c'est-à-dire un sale bonhomme. Et vous avez donc les deux et vous pratiquez le glissement. Et c'est donc un clin d'œil à l'adresse du lecteur qui doit comprendre les deux sens, ce qui fait que finalement, la bêtise des ânes au centre de la fable a permis au fabuliste et à son lecteur des pétillements d'intelligence. Il n'y a rien de tel pour vous rendre intelligent que la contemplation de la bêtise. Alors, et finalement, c'est là où on a un retournement. Vous nous disiez, Patrick Dandré, qu'au départ, imaginons, nous prenons la cigale et la fourmi, nous prenons ensuite les animaux malades de la peste, et là, déjà, un monde se construit, on a de la perspective, on a un décor, on a une narration, et là, enfin, nous arrivons au lion, le singe et les deux ânes. On a vu la manière dont la Fontaine a déployé, en fait, les différents registres, et dont il intègre même le lecteur dans la fable par une sorte de clin d'œil et d'ironie, au plus, vous avez dit, du sarcasme. Et on voit bien aussi que là, pour boucler notre émission, on voit bien qu'on rejoint, en fait, finalement, l'âne qui apparaît à chaque fois, nous permet aussi de faire ce chemin-là. Vous savez, je ne trouve pas qu'il y ait de progression. Je pense que les fables se valent et que la cigale à la fourmi n'est pas plus faible ou inférieure au lion, le singe et de l'âne. Non, en termes de, je crois de, que les œuvres de d'art déploiement. Ne s'examinent pas comme cela. Je pense que si vous prenez les toutes premières fables sur l'âne, si simples soient-elles, et les dernières, elles disent à peu près la même chose, c'est que l'âne n'est pas si bête qu'on le croit, surtout chez La Fontaine. Qui est bête avec La Fontaine ? Chouette un âne. C'est rapide. Moderne. Qu'est-ce qu'on va dire de moi au poulailler quand je reviendrai sans un mot? Sans une phrase, sans une idée, on me traitera d'idiot. On dira qu'elle paresseux, il n'a pas fait son boulot. Ce qu'on va dire de moi à l'écurie, je reviendrai sans un mot. Sans un nom, sans même un oui, on me traitera de sot. On dira qu'elle paresseux, il n'a pas fait son boulot. Partageons-nous les mots de ce livre, partageons-les, voulez-vous? Le lecteur aura du mal à suivre, mais ça fait rien, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout un petit peu, c'est vrai. Vous Lila et moi Lila, vous les haies et moi les nuits, voulez-vous et moi les jeunes, que pensez-vous de ce jeu? On se quitte sur une autre fable, Alain Souchon et Laurent Voulzy, chanson du coq et de l'âne, et oui, c'est dans

Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Manon de la Selle qui a préparé cette émission, Carla Michel, Jules Barbier, Adèle Van Rett, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, Laurence Malonda à la réalisation, avec à la prise de son aujourd'hui Jean-Guilain Meige, Hélène Losseur à la lecture des textes cette semaine, mais pas aujourd'hui, mais vous la retrouvez demain. Pour écouter ou réécouter cette émission sur les chats, avec cette question, alors sur les chats c'était hier, mais pardon, en fait sur les ânes, chez La Fontaine, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie ou sur l'application Radio France. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série 4 émissions, 4 animaux philosophiques. Et demain, eh bien après le chat, oui, après l'âne, ce sera des souris et des hommes, mais des hommes de science. Et ce sera avec Georges Chapoutier.